Alors, de retour à Futur Simple, et nous allons enchaîner avec un sujet plus festif, le vin. Alors, l'histoire de la vigne et du vin est intimement liée à celle de l'homme. La vinification, c'est-à-dire la transformation du raisin en vin, est pratiquée par l'homme depuis au moins 6000 ans. Les plus anciens vestiges nous permettent de situer les origines du vin autour du bassin méditerranéen. Alors, c'est là que tout a commencé. Et le vin, en fait, tel qu'on l'entend généralement, est le produit, en fait, d'un fruit. Le raisin, lui-même, issu essentiellement de la plante appelée Vitis vinifera. Mais je vais laisser à notre chroniqueuse Geneviève Gay le soin d'élaborer sur le sujet. Alors, Geneviève revient justement de voyage en Argentine, où elle a fait la visite de quelques vignobles de la région de Mendoza, reconnus pour ses vins de qualité. Elle est ici aujourd'hui et elle va nous partager, en fait, elle va partager ses connaissances fraîchement et savoureusement acquises. Bonjour Geneviève. Bonjour François. Alors le vin, ben ça se passe de présentation. Il fait partie de toutes les festivités et de tous les événements. Puis sa popularité est en hausse croissante. À titre d'exemple, les Québécois consomment en moyenne 21 litres de vin par année et par personne, comparativement à 14 litres il y a 12 ans. OK, c'est une augmentation, mais ça m'apparaît peu, par exemple, par rapport aux Européens, probablement aux Français qui doivent boire. Oui, c'est près d'une cinquantaine de litres. C'est ça. Sauf que c'est ici, la bière domine encore largement habitudes de consommation alcoolisée, mais on remarque vraiment une tendance à la hausse pour le vin et une baisse de la bière. Ça tend à se modifier ouais. avec le temps, c'est cela. Diversifier les habitudes de consommation en alcool. Alors, c'est bien. Donc, mais à eux seuls aussi, les Québécois achètent plus du tiers de tout le vin vendu au Canada. Donc, cet engouement se traduit au Québec par une offre de plus en plus diversifiée, par une offre de vin de qualité aussi. Et c'est tant mieux, parce que le vin consommé à raison d'un verre de vin rouge par jour est à la fois bon pour la santé et pour le moral. Mm-hmm. Donc, comme tu le disais, j'ai eu le bonheur de faire la visite en vélo, s'il vous plaît, de quelques vignobles. Un surplus. Hein? Oui, vraiment, c'est essentiel. Il ne faut surtout pas conduire dans ces temps-là, conduire de véhicules motorisés. Donc, dans la région de Mendoza, en Argentine, j'ai appris beaucoup à travers les dégustations. Donc, qu'ils soient produits de façon industrielle ou artisanale, les principes de base sont les mêmes. Donc, le vin est obtenu par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, du raisin frais ou du moût de raisin. Mais si le principe est le même, le résultat varie grandement d'une cuvée à l'autre. C'est qu'il y a un très grand nombre de terroirs, de cépages, de modes de vinification et aussi de types de vins. Il y a aussi beaucoup de climats, en fait, qui vont déterminer finalement le mûrissement du raisin. C'est ça, une diversité de conditions qui fait que ça va être différent d'un endroit à l'autre. Oui, c'est un fait. Donc, mais le résultat est, on va avoir du vin rouge, du vin blanc, du rosé et même du vin vert. Du vin vert. Oui, du vin, surtout au Portugal qui produit ça. C'est un vin qui est très jeune, légèrement effervescent, fait en alcool. C'est délicieux l'été sur le patio. Là. Tu imagines que tu vérifiais ça en Argentine? J'ai connu. Alors, écoute, Geneviève, si on commençait par le début, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un terroir? C'est l'origine du vin. Le terroir peut se définir à plusieurs échelles. Ça peut aller du pays, par exemple la France ou l'Argentine, ou situer une région précise, par exemple la Bourgogne ou Mendoza, justement, en Argentine. Et est-ce que aussi ça pourrait aller jusqu'à désigner un clos, par exemple? Un endroit, des parcelles viticoles, effectivement. Oui. Si le clos en tant que très petit, les conditions qu'on y retrouve, les particularités de cet endroit-là sont suffisamment spécifiques et uniques, oui, à ce moment-là, on peut définir le terroir pour un endroit très petit, très particulier. D'accord. Donc, on va préciser l'origine du vin justement en identifiant les parcelles viticoles. C'est différentes grandeurs. C'est défini par une région particulière qui se distingue par le type de sol, par sa topographie, son hydrographie, ses conditions climatiques et même ses vignes qui peuvent être conduites en utilisant une technique viticole qui lui est particulière. Bon, ces conditions vont permettre de définir le terroir et vont contribuer à donner un type, une unicité au vin qu'on y produit. Mm-hmm. Des changements dans ces conditions vont causer des répercussions sur les caractéristiques du vin. Donc, des conditions idéales, en tout point de vue, vont contribuer à donner de grands millésimes. Et les millésimes, en fait, c'est l'année de récolte du raisin, ça? En plein ça. Donc, un grand millésime, c'est un vin qui a été produit pendant une année exceptionnelle alors que toutes les conditions étaient favorables. Donc, le millésime, en fait, c'est un repère qui permet d'apprécier la qualité d'un vin pour une année, là. OK, mais un millésime, par exemple, 2005, je pense, c'était une année très favorable. Effectivement. Mais quand on parle de millésime, est-ce qu'on parle aussi d'une région ou c'est en général? Bien, souvent, une région va bénéficier de conditions particulière, idéale. Okay. Ça va être un ensemble. C'est pas nécessairement restreint à un petit, okay. à un vignoble en particulier. Souvent, ça va avoir des répercussions sur la région complète. C'est la région complète qui va avoir. Comme, mettons, en Espagne, on va avoir remarqué 2005, ouais. c'est une excellente année. En France, dans le sud de la France, etc. Mais ça, c'est peut-être pas le cas en Amérique du Sud, par exemple. Non, exactement. D'accord. Et, en fait, le terroir, c'est l'origine du vin. Oui. Mais... est-ce que le terroir est défini par les variétés de vignes qu'on y fait pousser également? Ben, c'est une très bonne question. Donc, le terroir, c'est pas officiellement défini par les types de vignes qu'on va y trouver, mais le choix de ces vignes va dépendre souvent des conditions du terroir. Autrement dit, certaines variétés de raisins donnent de meilleurs résultats dans certaines conditions. Dans certains terroirs que dans d'autres. C'est ça. Les cépages ou les vins qu'on va trouver, qui sont produits en Bourgogne, les types de raisins qui sont plantés là ne donneront probablement pas de résultats aussi bons s'ils sont plantés au Portugal ou en Espagne, par exemple. OK. C'est pour ça que c'est lié indirectement. C'est ça. Mais quand tu dis variété de raisins, en fait, on parle de cépage, c'est ça? C'est ça, en effet. Le cépage, c'est un plant de vigne qui se distingue par la forme de ses fleurs, de ses feuilles et de ses grappes. Et bon, on dit variété, là, parce que c'est facile à comprendre, mais en fait, c'est pas correct d'un point de vue botanique. On devrait parler ici de cultivar. Ah oui, c'est un fait. Ça serait le bon terme. C'est exact. Mais bon, quoi qu'il en soit, le cépage va se reproduire, on va le reproduire uniquement de façon végétative, c'est-à-dire par bouturage, par greffe ou par marcottage. Puis on va remarquer aussi que les mutations sont très fréquentes. Autrement dit, un même plant peut produire deux raisins différents sur le même plant. Exemple commun, bon, est le cépage pinot noir qui mute aisément en pinot gris et en pinot blanc. OK. Et quels sont les cépages qu'on retrouve le plus fréquemment? Compte tenu que les rendements des cépages vont varier selon les conditions du terroir, ben chaque terroir va privilégier certains cépages. Mais on estime qu'en tout, il y aurait plus de 9500 types de cépages. Certains connaissent une forte croissance pour diverses raisons. C'est soit des cépages qui vont s'adapter à plusieurs types de conditions ou qui offrent de très grands rendements, qui sont peu malades. Bon, c'est l'exemple du Syrah, du Sauvignon, du Chardonnay, du Merlot. D'autres sont abondamment cultivés dans le monde, représentent une grande superficie. Ils sont cultivés partout depuis longtemps aussi. C'est souvent des cépages qu'on connaît moins ici, comme le Sultanine, le Grenache, le Hérin, le Uniblanc, le Carignan. Ouais, c'est vrai que ça ne dit rien, ça. Puis il y en a d'autres qu'on connaît encore moins qui vont même connaître un déclin marqué, ce qui inquiète les empélographes, ces gens qui étudient les cépages puis leurs caractéristiques. c'est spécialiste. Oui, c'est assez spécialisé. C'est que bon nombre de viticulteurs vont arracher leurs vieilles vignes moins productives pour les remplacer par des cultivars à au rendement, ce qui cause une baisse de la diversité viticole. Mais bon, la situation n'est pas critique, loin de là, parce que la majorité des producteurs sont sensibilisés à la perte de diversité, justement. Heureusement, et en fait, tous ces cépages donnent plusieurs types de vins, comme tu l'as mentionné tantôt, des rouges, des blancs, des rosés, et puis même des verts. Oui. En fait, ben, les types de vins vont se définir non seulement par leur robe, leur couleur, mais aussi par la pression en gaz dissous à saturation. Je m'explique. Donc, il y a deux types de vins. Les vins tranquilles, qui ne contiennent pas de gaz, et les vins effervescents, qui contiennent des petites bulles qui forment une mousse. OK. Est-ce que ça inclurait les champagnes, par exemple? Et, voilà. Donc, les champagnes sont des vins. C'est des vins effervescents. D'accord. C'est ça. On les distingue aussi par leur teneur en sucre. Bon, les vins tranquilles, ceux qui n'ont pas de petites bulles, se définissent selon leur teneur en sucre naturel. Donc, un vin sec est un vin qui contient moins de sucre, alors qu'un vin doux naturel est celui qui en contient le plus. Entre les deux, bon, on trouve le demi-sec, le moelleux, le liquoreux. Ça, c'est une gradation. Okay. Puis, dans le cas des vins effervescents, ben, la teneur en sucre est celle de la liqueur d'expédition, c'est-à-dire le mélange de vin et de sucre qu'on utilise dans leur élaboration. Le vin effervescent brut naturel ne contient pas de sucre, alors que l'extra-but brut en contient un petit peu plus, et ainsi de suite, jusqu'au demi-sec qui est celui qui en contient le plus. Mais parlant du sucre, en fait, j'aimerais ça qu'on s'entende bien. Le sucre qui, résiduel, c'est pas du sucre qu'on rajoute, là. C'est du sucre qui n'a pas été transformé en alcool, si je comprends bien. Hein, c'est ça, exactement. Donc, évidemment, il n'est absolument pas question de rajouter du sucre dans le processus. Non. Ben, il y a des vins, les vins fortifiés, je crois. Comme les vins liquoreux, mais... Les vins fortifiés, ils rajoutent de l'alcool, excuse-moi. OK. C'est le sucre, on n'en rajoute pas. Non. C'est le sucre naturellement présent exactement. Dans la grappe. Okay, des procédés de vinification, mais je vais faire une deuxième chronique là-dessus, on va revenir là-dessus. D'accord. Donc, les types de vins se définissent également selon leur vieillissement. Donc, on va distinguer les vins de garde qui peuvent maturer en cave pendant des années, les vins primeurs, bon, qu'on déguste sans tarder. Comme le Beaujolais nouveau. Là. Oui, et voilà. Et le vin vert, justement, qui est un vin très jeune. D'autres critères aussi vont définir les types de vins. Le plus souvent, ça, c'est en lien avec leur procédé de vinification. Là, je vais mentionner vite, bon, les vins de presse, les vins de goutte, le vin jaune, le vin de paille. C'est toutes sortes de critères là, qui vont permettre d'appeler un vin, mais un vin qui est un peu différent des autres. D'accord. On entend aussi beaucoup le terme appellation d'origine contrôlée. En fait, est-ce qu'il est en lien avec le terroir, le cépage et le type de vin? Oh oui, oui. Les appellations d'origine contrôlée, les AOC, c'est un système d'appellation qui sert à protéger les terroirs viticoles puis à garantir la provenance des produits. C'est la France qui a été le premier pays à l'instaurer en 1905, ça fait quand même que centaines d'années. Mais depuis, il y a plusieurs pays qui ont emboîté le pas. C'est un système qui est plutôt complexe, là, je ne m'attarderai pas trop là-dessus, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être reconnue, une appellation doit remplir des critères et répondre à certaines restrictions aussi, comme justement la limitation de la production ou du territoire, une identité régionale qui est liée au climat, au cépage, au sol, la limitation de la teneur en sucre qui est arrivée à un certain degré d'alcool, etc. Il y a deux appellations, le vin de table, dont le seul critère est d'être apte à la consommation, et le bel acronyme VQPRD, ou les vins de qualité produits dans des régions déterminées. Alors, tout ça est fort intéressant, mais en fait, qu'est-ce qu'il en est de la fabrication du vin en tant que tel? Oui, bien, je vois le temps qui file et je résumerai pas ça en quelques phrases, donc si tu me permets, je vais continuer à ma prochaine chronique, je vais faire ma chronique là-dessus. Et peut-être qu'avant cette chronique, on aura le temps de faire quelques expérimentations lors des repas du temps des fêtes, mais en attendant, c'est l'heure de la publicité sur CKRL au 89,1. Alors Geneviève, merci pour ta chronique et je te souhaite de joyeuses fêtes. À toi aussi François, merci.